Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je vous revois me sourire. Lady, lady, lady. T'es près du mien et j'étais si bien. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je pense à vous bien souvent. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je redeviens j'étais heureux, j'ai cherché depuis ce temps-là sans cesse un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer Lady, Lady, Lady.